Avril 2010. Nouvel album dans les bacs. Ça a été dur, ouais. Mais j'y arriverai, ma sœur. T'inquiète. Ouais, ouais. Ouais, mes frères, tout le monde. Je veux voir vos bras levés. Je veux vous entendre chanter tous en cœur. Reprenez. Ouais, ouais. Let's go. Je changerai ma religion pour vous faire parler. Je donnerai ma main à celui ou celle que j'aime, afin de vous montrer que l'on peut mélanger sexe et sexe opposé. Opposé. Je vous dirai que l'argent ne fait pas le bonheur. Et pour le constater, vous n'avez qu'à voyager dans ces pays lointains où on vit avec rien qu'avec la solidarité. Respect. Gabriel. Pleure pas. Gabriel. Même le gouvernement fait pleurer nos bébés, hein. Et pour les consoler, il me suffit de chanter, de leur prendre la main, afin de les aider à dessiner leur destin. Destin. Dans la musique, on rêve tous de percer, hein. Même si c'est pas facile, moi j'espère y arriver. À force de persister et beaucoup travailler, un beau jour ça va payer. Je vous dirai pas que la vie est facile, car c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Y'a ceux qui vous soutiennent et les autres qui s'enfuient. Mais quoi faire, la vie c'est ainsi. Partout autour de nous, les gens se font la guerre, Regardez donc la misère et donnez-vous la main pour que le monde de demain n'en fasse plus qu'un. J'adresse un petit mot à ma famille, maman, papa, à tous mes mamie, anges qui sont partis bien loin de moi, mes mères, à ceux qui sont en bas, qui me soutiennent, qui me motivent, tu vois. Et Laura, Josie, Fiona, Cathy, Christina, je peux pas tous vous citer, mais vous êtes tous dans ma pensée. Maintenant j'espère que t'as compris. Respect. R-E-S-P-E-C-T. Ok.